إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 2 dans la lecture de la conférence qui a été donnée ou des paroles qui ont été expliquées par ou données par le Cheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i Rahimahullah au sujet du groupe de takfir. Hiwarun ma'a ahli takfir ou ma'a jama'ati takfir. Donc on avait commencé la dernière fois à lire la première partie et puis donc aujourd'hui on va faire la suite inshallah. Donc le Cheikh Muqbil maintenant il rentre dans l'explication des différences qui existent entre les positions de Ahl Sunnah wal Jama'a et les positions des Khawarij au sujet de la foi et des Shubuhat que les gens de Takfir amènent pour essayer de justifier leur position. Cheikh il dit wa Ahl Sunnah وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة كما يقول ربنا عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Il dit le cheikh que les gens d'Ahl al-Sunnah sont dans le juste milieu entre les Khawarij et les Mu'tazila et entre les Murji'a. Comme Allah subhanahu wa ta'ala notre créateur il le dit dans le verset 143 dans sourate Al-Baqarah wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, c'est ainsi que nous avons fait de vous une umma qui est wasat, c'est-à-dire la meilleure des ummas, celle qui est au juste milieu, celle qui est une umma de l'équilibre et de la justice, hein. Donc le cheikh il explique, il dit fal khawarij wal mu'tazila ghalaw fil wa'id wal murji'a tasahalu fil wa'id وغلوا في الإرجاء ولهم شبهات من زمن قديم وأما استدلالهم بقوله تعالى إن الحكم إلا لله فقد رد هذه الشبهة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما تقدم. Donc, le Cheikh il dit que les Khawarij et les Mu'tazila ils ont exagéré dans la menace et les Murji'a eux ils ont pris la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala à la légère et ils ont exagéré dans l'autre extrême, c'est-à-dire dans l'espoir et dans l'espoir du pardon et de la miséricorde. Donc le cheikh il dit qu'ils ont beaucoup de choubouhat depuis très longtemps et en ce qui concerne leur parole le dalil qu'ils essaient d'utiliser, comme par exemple le verset 40 dans sourate Yusuf, إن الحكم إلا لله, c'est-à-dire le verdict n'appartient qu'à Allah ou le jugement n'appartient qu'à Allah, يعني cette shubha elle a été réfutée par le sahabi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu directement, c'est-à-dire déjà Ali radiyallahu anhu quand il l'a entendu cette shubha il l'a réfutée, c'est-à-dire que يعني ceux qui prétendaient que le fait de prendre quelqu'un pour juger entre deux personnes, que ça c'était kufr ou que c'était quelque chose qui impliquait de prendre un autre juge en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, Non, il leur a fait comprendre que si on demande à quelqu'un de juger entre deux personnes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas jugé par le livre d'Allah, parce que le livre d'Allah ne peut pas juger, hein, puisque le livre d'Allah il est fait de papier et d'encre, hein. Donc le livre d'Allah ne peut pas juger lui-même. Et bien entendu, c'est les hommes qui ont la connaissance de ce livre qui vont juger d'après qu'est-ce qui est dedans. Donc il les a réfutés sur cette choubha qu'ils avaient, et cette choubha, hein, c'est encore la même choubha qu'ils utilisent encore aujourd'hui. Hein, inil hukmu illa lillah. Et même il y en a parmi les gens aujourd'hui qui sont des laïcs, yani, qui rejettent par exemple l'application de la charia par exemple, et malgré tout vous voyez que ces gens-là ils ont la même choubha que les khawarij. En fait, c'est qu'ils disent c'est seulement Dieu qui peut juger, hein? Ils disent c'est seulement Dieu qui peut juger, aucun homme peut juger. C'est comme s'ils sont en train de dire que, yani, quand tu leur dis mais nous on juge pas, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui nous explique le verdict à appliquer et qui nous dit quoi faire et qui nous dit qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, qui nous donne les verdicts. Eux ils disent non, c'est Dieu qui juge seulement, hein, on n'accepte pas la parole d'un homme, qu'est-ce qu'un homme dit. Donc ça c'est un autre extrême. Puis c'est pour ça que même les salafis le disaient, les gens de Bid'ah sont tous des khawarij, hein, d'une certaine façon, parce qu'ils se sont tous mis d'accord pour l'épée. Donc ça c'est une caractéristique qu'ils ont, de se rebeller contre les dirigeants. Puis en même temps aussi on remarque que le takfir il est présent chez eux aussi, puisque quand ils considèrent que quelqu'un n'est pas un bon musulman, ils disent ah lui c'est pas un musulman, hein. Du simple fait qu'il n'est pas un bon musulman, il dit ah lui c'est pas un musulman. S'il fait des péchés ou des choses comme ça, lui c'est pas un musulman. Donc ça c'est ils font le takfir par ignorance. Donc ça c'est en ce qui concerne cette première shubha. Aujourd'hui ils vont utiliser le verset par exemple وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ils vont prendre le verset qui dit ceux qui jugent pas d'après ce qu'on a fait, ceux qui ne jugent pas selon ce qu'on a fait descendre comme révélation, alors ceux-là sont les mécréants. فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Donc ça c'est un exemple de verset qu'ils utilisent, qui est dans le même sens que le verset qu'ils utilisaient, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Yani, c'est exactement la même chose. Et le Cheikh Mouqbil, il va répondre à cet exemple-là aussi, dans les exemples qu'il va donner. Il dit وَقَدْ طَلَبَهُمْ عُمَرْ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْمُنَاظَرَةِ فَأَفْحَمَهُمْ وقال لهم ننظروا إن كان الأمر أي الحق معكم نظرنا في أمرنا وإن كان الحق معنا دخلتم فيما دخل الناس فيه فناظرهم وأفحمهم ثم قالوا له لما لا تصب أباءك الظلمة على المنبر يوم الجمعة فقال عمر كم سببت فرعون في عمرك يقول هذا للخارجي فقال الخارجي لا شيء قال أنت تطالبني بلعن آبائي على المنابر الذين أخطأوا وعصوا ولم تلعن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. Donc il donne un exemple, le Cheikh Mouqbil, يعني le Cheikh Mouqbil il donne un exemple, et puis il dit que Omar ibn Abdul Aziz, hein, le khalifa Omar ibn Abdul Aziz, il a eu la visite de ces gens-là, de ces khawarij. Ils sont venus le voir et ils lui ont demandé de... Attendez juste un instant. Ils sont venus le voir et ils lui ont demandé de débattre avec eux. Ils voulaient avoir un débat avec lui. Alors, Omar ibn Abdul Aziz leur a dit d'accord. Vous voulez, si vous voulez, on va faire un débat. On va débattre ensemble. Si vous avez le dessus, si c'est vous qui avez raison, si la vérité est avec vous, on va vous suivre. Et si la vérité est avec nous, vous allez nous suivre maintenant. Hein, vous allez rentrer dans ce que tout le monde suit. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il les a grillés. Omar ibn Abdul Aziz les a réfutés sur tous les points. Il les a complètement réfutés. Hein, et il les a rôtis comme des moutons là. Hein. Franchement, il les a réfutés comme il faut. Et après, les Khawarij lui ont dit, pourquoi tu insultes pas tes ancêtres ou tes pères? Hein, les insultes, pourquoi tu les injustes? Pourquoi tu les insultes pas sur le minbar le vendredi? Alors Omar ibn Abdul Aziz leur a dit, combien de fois as-tu insulté Pharaon dans ta vie? Et le Khariji a dit, non, aucune fois, c'est-à-dire j'ai jamais insulté Pharaon. Alors Omar ibn Abdul Aziz lui a dit, tu me demandes d'insulter mes pères hein, sur le minbar, ceux qui ont fait des erreurs ou des péchés, tu veux que je les insulte, et toi tu n'as jamais insulté Pharaon, celui qui a dit je suis votre Seigneur le Très-Haut hein? Donc ça, vous avez des gens comme ça parmi les Khawarij aujourd'hui. Il dit, ah, mais un tel, il n'insulte pas les dirigeants, il n'insulte pas les hukams, ou bien il s'allie avec eux, ou bien il fait pas le takfir des dirigeants, ou des choses de ce genre. Donc, tu lui demandes, combien de fois t'as insulté Pharaon? Hein? Ils l'ont pas insulté, ils l'ont jamais insulté. Hein? Donc, c'est ça l'exemple de ces gens-là. Alors qu'il a même prétendu d'être le Seigneur le Très-Haut. Donc ça, c'est plus grave encore que qu'est-ce que n'importe quel autre dirigeant aurait pu faire aujourd'hui. وَمِنْ شُبَهِهِمْ أَيْضًا أَنَّهُمْ يَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا فَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى من استحل العصيان واستحل قتل النفس المحرمة واستحل الزنا فإنه يكون كافرا أما إذا لم يستحل فالعلماء يقدرون محذوفا أي وإنجازاه وهم يقدرون المحذوف من أجل الجمع بين الأدلة نحو قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ونحو قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فجمعا بين الأدلة جمع العلماء بما تقدم جمع العلماء بما تقدم وهم يأخذون أحاديث وآيات الوعيد ويتركون أحاديث الرأم يتركون أحاديث وآيات الرجاء. Donc ici le Cheikh Mukbil il dit que parmi leurs shubuhat des Khawarij, ils prennent comme preuve la parole d'Allah dans le verset 23 dans Surat al-Jinn. Celui qui désobéit à Allah et à son messager, alors il aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Donc le cheikh, il dit que ce verset-là, ce noble verset, il doit être pris dans le sens de celui qui rend halal le péché qu'il a fait. S'il le rend halal, dans ce cas-là, il devient kafir. Mais s'il fait uniquement le faire, ce péché-là, dans ce cas-là, il ne devient pas kafir. Okay. Il ne devient pas kafir pour avoir fait ce péché-là. Et donc, il donne l'exemple. Il dit, celui qui rend halal, c'est-à-dire il déclare avec sa langue, il croit dans son cœur et il le déclare ouvertement que ce péché-là, comme par exemple de tuer quelqu'un, que ça c'est halal. Hein, de tuer une âme qui est haram. Une personne que c'est interdit qu'on la tue, lui, il le rend halal. Ça c'est kufr. Hein? Il dit, je crois que c'est halal de le tuer. Hein? Ou que de tuer est halal. Il le dit comme ça, explicitement. Et qu'il sait, hein, il connaît les preuves de l'interdiction de tuer. Ça, c'est grave. Ça, c'est de nier ce que Allah a affirmé. La même chose pour celui qui rend halal le zina. Il dit non, le zina, c'est pas haram, c'est permis. Hein? Il veut pas accepter l'interdiction du zina. Celui-là, il est kafir. Hein? Ou n'importe quel autre péché. Et il y a une ijma des ulama à ce sujet-là. Ils sont tous d'accord que quiconque parmi les musulmans rend halal quelque chose qui est haram, hein, il le déclare halal, alors il est kafir. S'il le rend halal avec la connaissance des preuves qui indiquent que cette chose-là est haram. Donc l'alcool, hein, et yani, tout autre péché, yani, le porc et des choses de ce genre qui sont connues de la religion, s'il rend halal ou s'il nie d'autres choses, mais là en particulier il parle de celui qui rend halal un péché, là dans ce cas-là il yani, devient kafir. Donc les ulama ils ont expliqué que ce verset-là, hein, il est pour celui qui l'a rendu halal, et ils se sont basés sur les autres versets qui prouvent ça, dans le sens que ils ont réuni ce verset-là avec les autres versets qui parlent de ces questions-là, comme par exemple le verset 47 dans sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il ne pardonne pas qu'on commette avec lui le shirk, mais il pardonne tout autre péché que celui-là à qui il veut. Donc, quelqu'un qui commet autre péché que le shirk, hein, un péché qui est moindre que le shirk, comme tuer, voler, hein, faire le zina, manger du porc, on ne peut pas dire qu'il est kafir, hein, tant qu'il ne l'a pas rendu halal. Ensuite, il mentionne un autre verset, c'est le verset 53 dans Sourate Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: dis, ô mon serviteur, qui a transgressé contre lui-même ou qui a dépassé la limite contre lui-même, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés, même ça, c'est-à-dire il pardonne tous les péchés à ceux qui se sont repentis, même si c'est le shirk. Si quelqu'un s'est repenti du shirk avant sa mort, Allah lui pardonne. Si quelqu'un accepte l'islam, il dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne le shirk s'il rentre dans l'islam avec foi, avec sincérité, hein, et qu'il suit, qu'il respecte le tawhid et qu'il reste sur le tawhid jusqu'à sa mort, il sera pardonné pour le shirk qu'il avait fait avant l'islam. Donc ça, c'est sa repentance du shirk. Donc celui qui s'est repenti, Allah lui pardonne les péchés. Celui qui meurt d'un péché sans s'être repenti, la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'a à ce sujet là tant que c'est pas du shirk, tant que c'est pas un kufr, Allah subhanahu wa ta'ala, tant que c'est pas un shirk majeur ou un kufr majeur, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner s'il veut, ou bien il va le punir s'il veut. Il va lui pardonner par sa miséricorde, ou bien il va le punir par sa justice. Mais s'il rentre en enfer, ce croyant, ce musulman qui a fait des péchés, si Allah le fait rentrer en enfer pour un certain temps, il va en sortir par la suite. Parce que les croyants ne vont jamais rester pour toujours en enfer. Ils vont rester pour un certain temps, puis ensuite ils vont quitter. C'est-à-dire, ils vont sortir, Allah va les faire sortir de l'enfer. Les seuls qui vont rester éternellement en enfer sont les mouchriquins et les kuffars. Donc, le Cheikh Mukbil, il dit, donc, les savants de l'islam ont réuni entre les preuves, réuni les textes de ce sujet-là ensemble, et puis, ils ont pris tous les hadiths et les versets qui parlent de la menace, ils les ont mis ensemble, et ils ont pris les hadiths qui parlent de l'espoir et de la miséricorde et du pardon, ils les ont rassemblés aussi, et puis après, ils ont compris comme il faut cette question-là. Tandis que les gens de takfir et les khawarij, eux, ils ont uniquement pris les versets hein, de la menace. Et ils n'ont pas pris en considération les versets de la miséricorde et du pardon. Et donc, ça c'est un extrême. Tandis que les Murji'a, eux, c'est l'autre extrême. Ils ont uniquement pris les versets qui parlent de la miséricorde et de l'espoir et du pardon. Et ils ont laissé tomber complètement la menace. Donc ça, c'est les extrêmes. Ahl-Sunnah wal-Jama'a, eux, sont dans le juste milieu. Parce qu'ils prennent tous les textes ensemble et ils les appliquent tels quels. Hein. C'est-à-dire, ils les prennent tous ensemble et ils les comprennent comme il faut et ils les appliquent comme ils sont appliqués par les salafs. Hein? Après, le cheikh, il dit, وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Donc, ça c'est le verset 93 dans sourate An-Nisa qui dit « Et celui qui tue un croyant intentionnellement, alors sa récompense sera l'enfer éternel, il demeurera éternellement dedans, et Allah, Allah est en colère contre lui et le maudit, il a préparé pour lui un grand châtiment. » Donc ça c'est un verset sur lequel ils essaient de se baser pour faire le takfir de celui qui commet un meurtre ou qui tue un croyant. Parce qu'il pense que s'il reste, si c'est mentionné dans le verset, Jaza'uhu jahannama khalidan fiha, donc eux ils s'imaginent que khalidan dans ce verset-là, ça veut dire qu'il va rester pour toujours éternellement. Sauf que le verbe khalidan, ou bien le mot khalidan, ou bien le khulud, ça ne veut pas nécessairement dire éternellement en arabe. Nous, on le traduit comme ça, éternellement. Même dans les traductions, vous voyez ça. Mais, dans le sens arabe, il peut avoir d'autres significations aussi. Donc, par exemple, le cheikh, il dit, وَالْخُلُودُ فِي اللُّغَى يَأْتِي بِمَعْنَى الدَّوَامِ وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْمُكْثَ الطَّوِيلِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَالْعُلَمَا يُقَدِّرُونَ مَحْذُوفًا وَالتَّقْدِيرِ إِنْجَازَهُ أو من كان مستحلا بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يقول البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان فسماهم مسلمين وهكذا قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فسماهم مؤمنين. Donc le cheikh il dit ce verset dans le verset 93 dans sourate An-Nisa, il faut comprendre les choses suivantes à ce sujet-là. Le mot khuloud, ou khalidan, ou khuloud, ça veut dire en langue arabe quelque chose qui reste, hein, qui prend beaucoup de temps. Hein? Ça peut vouloir dire quelque chose qui est pour toujours, ça peut vouloir dire aussi quelque chose qui reste longtemps. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est pour toujours, éternellement. Hein? Ça peut avoir cette signification-là, ça peut vouloir dire éternel, mais ça peut aussi vouloir dire quelque chose qui dure, qui restera longtemps. Et donc, les ulama, ils ont expliqué dans ce verset-là, on le comprend, où les ulama, ils ont expliqué ce verset en disant que celui qui tue un croyant intentionnellement, alors sa récompense, c'est qu'il sera en enfer éternellement s'il a rendu halal. C'est-à-dire, s'il a rendu le meurtre ou le fait de tuer halal. Hein, s'il l'a déclaré halal, dans ce cas-là, il sera éternellement dans l'enfer parce que ça c'est kufr. Mais s'il n'a pas rendu halal, s'il a fait le péché, il sait que c'est haram, hein, dans ce cas-là, yani, il va pas rester éternellement en enfer, il va rester seulement une période de temps. Même si c'est longtemps, mais c'est pas éternellement. Donc, les preuves de cette compréhension-là, elles sont tirées, hein, de la sunna et du Coran et de la sunna. Donc, le cheikh, il mentionne le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans son Sahih. Selon Abi Bakr, radiallahu anhu, il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si deux musulmans se rencontrent avec leur épée, alors le tueur et le tué sera en enfer. Le tueur, celui qui a tué, et celui qui est tué, les deux seront en enfer. L'imam al-Bukhari, dans son Sahih, quand il rapporte ce hadith dans Kitab al-Iman, dans le chapitre de la foi, il dit, après avoir mentionné ce hadith, il dit, فَسَمَّاهُمْ مُسْلِمِينَ ou مُسْلِمَيْنَ hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés deux musulmans. Si c'était des kuffars, il n'aurait pas dit que c'était deux musulmans. C'est la preuve qu'ils ne sont pas en dehors de l'islam. C'est la preuve que ils sont en enfer, si c'est une menace, mais ça ne veut pas dire qu'ils quittent l'islam. Il y a des gens qui pensent que depuis que Allah subhanahu wa ta'ala menace quelqu'un de l'enfer, ils pensent que ça veut dire automatiquement ça y est, il est kafir. Non. Il y a des croyants, il y a des musulmans qui vont rentrer en enfer. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont rester éternellement. D'accord? Et il y a une autre preuve aussi que le cheikh a mentionné. Il a mentionné le verset 9 dans Surat Al-Hujurat. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, si deux groupes parmi les croyants se combattent, alors faites la réconciliation entre eux. Et si l'un des deux transgresse contre l'autre, alors combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Allah et le Cheikh Mokbil, il dit, à la fin, après avoir mentionné ce verset, il dit, Allah les a appelés des croyants. Deux groupes parmi les croyants qui se tuent les uns les autres sont quand même des croyants. Donc, il faut comprendre le verset 93 dans Surat An-Nisa à la lumière des autres versets et des autres hadiths qui nous clarifient et qui nous expliquent ce verset-là. Pour nous faire comprendre que tant que quelqu'un n'a pas déclaré halal ce qui est haram, qu'il a commis un péché, on ne peut pas dire de lui qu'il est kafir. On ne peut pas dire de lui qu'il est kafir. Mais les gens qui prennent juste un verset tout seul et qui se basent sur ce verset-là sans regarder les autres, qu'est-ce que les autres ont dit ? Et qui essaie de faire un jugement en se basant là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire le takfir de tous les musulmans. Il va prendre le verset 20, 23 dans Surat al-Jinn, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et quiconque désobéit à Allah et son messager, alors il sera en enfer pour l'éternité. Hein? Alors il dit, bon, ça y est, tout le monde qui fait un péché, il reste en enfer pour l'éternité. Donc tu vas faire n'importe quel péché, ah, ça y est, t'es kafir. C'est ça les khawarij. Ils prennent un verset, ils le comprennent même pas comme il faut, et puis ils essaient de l'appliquer tel quel. Et ils ne regardent même pas ce que les autres versets qui expliquent ce verset-là, qu'est-ce qu'ils disent. C'est ça l'égarement total des Khawarij. Et ils pensent qu'ils comprennent mieux l'islam que les ulama. Vous avez ces gens-là, des gens comme ça, qui ne connaissent rien, mais quand tu leur parles, on dirait qu'ils connaissent tout. Subhanallah, ils pensent qu'ils ont tout compris de l'islam, qu'on ne peut rien leur apprendre, alors qu'en réalité, ils ne savent rien. Le Cheikh dit, « Wa min adillatihim, qawluhu, sallallahu alayhi wa sallam, min hadithi Abi Huraira, la yazni zani hina yazni, wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu, wa huwa mu'min. » قال العلماء في هذا الحديث إن الإيمان يرتفع عنه كالذلة ويبقى معه أصل الإيمان بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي ذر الغفاري. Donc le cheikh il dit parmi leurs preuves il y a aussi le verset qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu qui dit celui qui fait la personne qui fait le zina n'est pas croyante au moment où elle fait le zina. Hein? La personne qui vole, elle n'est pas un croyant au moment où elle vole. Donc, il y a des gens qui prennent ce hadith-là et disent, ah, mais ça c'est la preuve. Ils pensent que c'est la preuve que celui qui vole, celui qui fait le zina, au moment où il le fait, il n'est pas croyant. Ça veut dire quoi? S'il n'est pas croyant, ils disent, ça veut dire qu'il est kafir. Alors que c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut pas dire qu'il est kafir, ça veut dire qu'il est, il n'est pas mu'min, mais il est musulman, il reste quand même musulman. Hein? Mais il n'est pas croyant, sa foi elle diminue. Sa foi elle devient faible. Et comme le cheikh il dit que les ulama ont dit à propos de ce hadith que sa foi est enlevée comme yartafi'u anhu, sa foi elle s'élève au-dessus de lui et il ne reste en lui que la base de l'islam. C'est-à-dire sa foi qu'il avait, elle s'élève au-dessus de lui. Et il ne reste en lui que la base de l'islam. C'est-à-dire la base de l'islam. C'est-à-dire qu'il ne sort pas de l'islam, il reste dans l'islam, sauf qu'il sort du degré de l'iman, le degré de la foi qui est plus forte. Hein? C'est ça que ces gens-là n'ont pas compris. Eux, ils pensent que ça y est, quelqu'un il vole, il est kafir. Quelqu'un il fait le zina, ça y est, il est kafir. Non, il n'est pas kafir. Hein? Sauf s'il le rend halal. Celui qui rend l'alcool ou le zina ou le vol halal, il est kafir même s'il ne le fait pas. C'est-à-dire, celui qui rend halal le vol, il est kafir même s'il ne vole pas. Celui qui rend halal le zina, il est kafir même s'il ne fait pas le zina. Hein? Tandis que celui qui fait le zina, mais qui sait que c'est haram et qui dit qu'il est conscient qu'il fait un péché, lui il n'est pas kafir, il est seulement un pécheur. Hein? Donc c'est ça la différence. La aqidah c'est la base. Hein? La aqidah c'est la base. Donc si quelqu'un nie l'obligation de quelque chose, comme par exemple quelqu'un qui nie l'obligation de la salat, il ne croit pas dans son cœur que la salat est obligatoire et il le dit avec sa bouche que ce n'est pas obligatoire. Il est kafir même s'il prie. Tandis que celui, hein, selon certains ulama, celui qui ne prie pas par paresse, tout en reconnaissant son obligation, certains ulama, ils considèrent qu'il n'est pas kafir celui-là. On va en parler ça, de toute façon, Cheikh Moukbil, il en parle dans ce livre. Le Cheikh, il dit ensuite... La preuve qu'il reste toujours dans l'islam, celui qui fait le zina, ou celui qui vole, ou celui qui fait un autre parmi les kaba'ir, la preuve qu'il reste toujours dans l'islam, c'est quoi? بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِمَا عَنْ أَبِي ذَرٍ الْغِفَارِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لا يدخل النار من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال أبو ذر وإن سرق وإن زنى يا رسول الله وإن سرق وإن زنى قال أبو ذر وإن سرق وإن زنى يا رسول الله قال وإن سرق وإن زنى قال أبو ذر وإن سرق وإن زنى يا رسول الله قال وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر على رغم أنف أبي ذر فكان أبو ذر يحدث به ويقول على رغم أنف أبي ذر رواه وورد خارج الصحيح عن أبي الدرداء نحو. Donc le cheikh il dit la preuve, hein, ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est un muttafaq, il est muttafaq alayh. Il est muttafaq alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur sahih, selon Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: en fait, ça c'est une version qu'il a mentionnée. Il a dit que personne n'entrera en enfer. لا يدخل النار من شهد أن لا إله إلا الله. Il dit ici, celui qui dit لا إله إلا الله et Muhammad Rasulullah n'entrera pas en enfer. Il y a une autre version de ce hadith dans Al-Bukhari Muslim qui dit: من مات وهو يشهد من لا يمس النار من شهد أن لا إله إلا الله ثم مات على ذلك. C'est ça, le feu de l'enfer ne touchera pas la personne qui dit la ilaha illallah et qui meurt sur ça. Et dans cette version ici, c'est celui qui a dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il n'entrera pas en enfer. Donc, Abu Dharr, il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: même s'il vole, même s'il fait le zina au messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: même s'il vole, même s'il fait le zina. Il a dit, Abu Dharr, il dit: même s'il vole, même s'il fait le zina au messager d'Allah? Il dit: même s'il vole, même s'il fait le zina. Abu Dharr, il pose encore la question: même s'il vole, même s'il fait le zina au messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond une troisième fois, il lui dit: même s'il vole, même s'il fait le zina, même s'il boit l'alcool, que le nez de Abu Dharr soit mis dans la poussière. C'est-à-dire, yani, que ça plaise à Abu Dharr ou que ça ne lui plaise pas. C'est dans ce sens-là, yani, c'est une expression que les Arabes utilisaient: ala raghmi anfi Abi Dharr. Et quand Abu Dharr il rapportait lui-même ce hadith, il mentionnait justement, il disait: ala raghmi anfi Abi Dharr. Lui-même il le disait. Et c'était lui qui rapportait le hadith. Bon, et ça c'est rapporté dans le Sahih et dans d'autres que le Sahih également, selon Abi Darda. Bon, le Cheikh Mokbel dit ensuite, donc ça c'est la preuve, la preuve que celui qui vole, celui qui fait le zina ou des choses comme ça, des péchés comme ça, il sort pas de l'islam, il est toujours musulman, sauf que sa foi elle est faible, comme les ulama d'Ahl Sunnah ils l'ont expliqué. Plus la foi elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec les péchés. Et tant que quelqu'un n'a pas fait un acte de kufr ou de shirk majeur, on peut pas, on peut pas savoir, on peut pas dire que la personne sera éternellement. En fait, tant qu'elle a, en fait, comme je disais, la personne qui a fait un kouf ou un shirk majeur, si elle meurt sur ça, là c'est sûr qu'elle sera éternellement en enfer. Mais en dehors de ça, si quelqu'un a commis un grand péché, en dehors de ça, si c'est pas kouf majeur ou shirk majeur, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il va lui pardonner par sa miséricorde, et si Allah veut, il va le punir par sa justice. Il va entrer en enfer pour un certain temps, puis après il va sortir. Mais il ne va pas rester éternellement en enfer. C'est dans ce sens-là. Après le Cheikh Mokbel, il dit: وَلَسْنَا نُشَجِّعْ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَكِنْ نَذْكُرْ جَمْعُ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ لَهُمْ قَدَمٌ رَاسِخٌ فِي الْإِسْلَامِ وَنَسِيَ الْعَفْوُ نسي الخوارج العفو وهو عفو الله وقد وصف الله سبحانه وتعالى بأنه عفو في غير ما آية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Donc le cheikh il dit que nous on ne veut pas dire ça pour encourager les gens à faire le péché. On n'est pas en train de dire en fait aux gens, allez-y voler, allez-y faire le zina, allez-y boire de l'alcool, allez-y faire les péchés. Hein? On est en train de, d'expliquer comment les ulama ont compris les textes de l'islam et comment ils les ont ramenés ensemble pour éviter que les musulmans tombent dans l'extrémisme et dans, dans l'exagération. D'accord? Et le cheikh dit que les khawarij, eux, ils ont oublié le pardon, hein, et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pardon, hein, et son indulgence envers la créature. Allah, il parle de son indulgence, il s'est décrit par cet attribut-là de son pardon et de son indulgence dans plusieurs versets, comme le verset 30 dans Surah Shura. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, et tout malheur qui vous atteint, c'est à cause de ce que vos mains ont préparé. C'est à cause de ce que vos mains ont fait. Et il pardonne pour beaucoup. Hein? C'est-à-dire, si on a des malheurs qui nous atteignent, eh bien, c'est à cause de ce qu'on a fait nous-mêmes. Mais malgré ça, il pardonne beaucoup. C'est-à-dire qu'il ne nous punit pas pour tout ce qu'on mériterait d'être puni. Et il dit, وَهُنَاكَ أُمُورٌ غَفَلَ عَنْهَا الخوارج مثل الشفاعة فقد روى الترمذي في جامعه من طريق عباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فعفو الله ورحمة الله واسعة وهؤلاء يضيقون على الناس ويقنطون الناس من رحمة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة أترونها للمؤمنين أم للخاطئين المتلوثين هي للخاطئين المتلوثين رواه ابن ماجه donc le cheikh Mokbel il dit il y a une autre chose que les khawarij ont complètement négligé et c'est l'exemple de la shafa'a, l'intercession au jour de la résurrection. Hein, qu'il y aura des intercessions pour les pécheurs, pour les gens qui ont des grands péchés, comme c'est rapporté par At-Tirmidhi dans son Jami'. Selon Abbas ibn Abdul Azim Al-Ambari, selon Abdul Razak ibn Ma'mar, selon Abdul Razak, selon Ma'mar, selon Thabit et selon Anas, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon intercession est pour les gens qui ont fait des grands péchés parmi les gens de ma umma. Ma shafa'a, c'est pour les gens des kaba'ir de ma umma. C'est-à-dire pour les gens qui ont commis des grands péchés parmi eux. Et également, il dit donc, le cheikh Mokbel, il dit par la suite, donc, le pardon et la miséricorde d'Allah, elle est grande. Et ceux-là, c'est-à-dire les khawarij, ils veulent, yani, rétrécir, ils veulent limiter, hein. Ils veulent rendre serrée et difficile la voie pour les gens. Et ils veulent faire perdre l'espoir aux gens par rapport à la miséricorde d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de la shafa'a, il a dit: est-ce que vous pensez que c'est pour les croyants ou bien pour les gens qui font des péchés et qui sont souillés? Il a répondu, il a dit: ce sont pour les pécheurs, ceux qui font les erreurs et qui sont souillés. C'est rapporté par Ibn Majah. Donc, ça c'est pour donner l'espoir aux gens, hein, pour leur donner l'espoir de la miséricorde, pour pas qu'ils perdent l'espoir puis qu'ils plongent dans l'égarement et dans le péché. D'accord? Donc ça c'est très important. Et puis, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mentionné sur la shafa'a que Allah va faire sortir de l'enfer toute personne qui a même une atome de foi dans son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir de l'enfer toute personne, ça c'est en dernier, hein, toute personne qui a une atome de foi dans son cœur, il va les faire sortir de l'enfer. Seuls ceux qui vont rester dans l'enfer, c'est seulement les mushrikines et les kuffars. Sinon, toute personne qui a à la base, qui a le tawhid, qui n'a pas commis de shirk majeur ou de kuf majeur, ils vont sortir de l'enfer. Après, le shaykh il dit وَمَنْ شَبَّهَهُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ شُبَهِهِمْ pardon وَمِنْ شُبَهِهِمْ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. فإذا أطعت الشيطان في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله واعتقدت ذلك تكون مشركا وإلا فإن الشرك ينقسم إلى قسمين إلى شرك أصغر وإلى شرك أكبر بدليل ما جاء عن قتيلة أن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنكم تشركون إنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة وقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فهذا دليل على أن الشرك ينقسم إلى قسمين وذلك وكذلك النفاق ينقسم إلى قسمين نفاق أكبر ونفاق أصغر. وأنفع علاج لهم هو طلب العلم أما أن يبقى أحدهم جاهلا لا يعرف شيئا عن اللغة العربية ويقول نحن رجال والصحابة رجال فنعم أنتم رجال والصحابة رجال إلا أن الفرق بينكم وبين الصحابة كما بين السماء والأرض. الشيخ يقول que parmi leurs shubuhat aussi il y a le verset 121. Il y a le verset 121 dans sourate Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et les shayatin les shayatin ils inspirent leurs alliés pour qu'ils puissent débattre avec vous, pour qu'ils rentrent dans des argumentations avec vous, et si vous les obéissez, alors vous êtes des mushrikoun. Je pense que vous avez déjà entendu ce verset-là, verset 121 dans Sourate Al-An'am, et vous comprenez le contexte de ce verset. Sinon, c'est que, en fait, les mushrikoun essayaient d'argumenter pour rendre la viande morte halal. Et ils essayaient de dire que la viande morte, c'est Allah qui l'a tuée. Donc, elle doit être halal. Tandis que vous, leur argument c'était de dire que vous mangez de ce que vous tuez vous-même avec votre main, hein, et que vous égorgez au nom d'Allah, vous dites ça c'est halal, mais ce que Allah a fait mourir, hein, sans intermédiaire, vous le mangez pas. Donc c'était ça leur shubha en fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu, il leur a dit wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Si vous les obéissez là-dedans, alors vous êtes des mushrikoun comme eux. Donc le cheikh Muqbil il dit fa idha ata'ta ash-shaytan, il dit si tu obéis au shaytan dans le fait de rendre halal ce que Allah a rendu haram ou dans le fait de rendre haram ce que Allah a rendu halal, et que tu crois en ça, tu vas être mushrik. Donc ça, c'est une shubha qu'ils ont utilisée comme référence pour dire que certaines personnes sont des kuffars ou des mushrikines. Et le shaykh, il dit, وَإِلَّا فَإِنَّ الْمُشْرِكِ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ. Sauf qu'il faut comprendre que أَنَّ الشِّرْكِ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ. Il faut comprendre que le shirk, il se divise en deux catégories. Il y a le shirk qui est mineur, et il y a le shirk qui est majeur. Le shirk qui n'est pas tout au même degré. Et la preuve de ça, c'est l'exemple qu'est-ce qui est rapporté selon Qutaylah, qu'un juif est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, vous êtes des mushrikoun, vous faites le shirk. Vous donnez des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous dites ce que Allah veut et ce que Muhammad veut. Et vous dites par la Kaaba. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a confirmé ce que le juif disait et il lui a dit, vous ne dites plus par la Kaaba, dites par le Seigneur de la Kaaba. Et dites plutôt, Masha'Allah, thum Masha'a Muhammad. C'est-à-dire, dites plutôt ce que Allah veut, puis ce que Muhammad veut. Donc ça, c'est l'exemple pour dire que ça, ce shirk que les sahaba faisaient, c'était seulement un shirk mineur, c'était pas un shirk majeur. Hein? Parce que les sahaba qui disaient ça, ils n'avaient pas l'intention d'associer la Kaaba ou d'associer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de le mettre à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour éviter toute shubha, pour éviter toute forme de shirk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de ne plus dire ça et de corriger leur expression. Donc c'est un shirk, mais c'est un shirk majeur, mineur. C'est un shirk mineur. فهذا دليل على أن الشرك ينقسم إلى قسمين. Ça c'est la preuve que le shirk se divise en deux catégories. وكذلك النفاق ينقسم إلى قسمين. نفاق أكبر ونفاق أصغر. De même que le nifaq, il se divise en deux aussi. Le shirk se divise en deux, le shirk majeur, le shirk mineur, de même que le nifaq, l'hypocrisie. Il y a le nifaq majeur, le nifaq mineur. Et le cheikh il dit وَأَنْفَعُ عِلَاجِ لَهُمْ هُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ. Le cheikh il dit et le meilleur remède pour eux c'est de chercher la science. Par exemple, actuellement, qu'est-ce qui se passe de la part de certains parmi les gens de takfir aussi, des gens qui appellent au takfir? Ils font le takfir des gens qui font des péchés graves, mais ils font une distinction entre celui qui le fait avec persistance et celui qui le fait juste une fois ou deux comme ça. Ils veulent faire une distinction entre ces deux catégories-là. Et les ulama, ils ont expliqué que c'est pas une question du nombre de fois que quelqu'un fait un péché ou que quelqu'un commet un péché ou qu'il persiste ou non. Celui qui le rend halal, comme le cheikh, justement dans les questions et réponses à la fin de cette conférence, cheikh Mokbil il le dit, le rendre halal c'est pas par le fait que tu persistes à le faire, hein, ou que tu le fais. Le rendre halal c'est que tu le dises avec ta langue que la chose elle est halal, que tu le rendes halal par ta bouche, pas par tes actions. Parce que si tu fais un péché, ça, c'est pas le rendre halal. Il y en a qui pensent que le fait que tu le fasses, ça veut dire que tu l'as rendu halal. Et ça veut pas dire ça du tout. Le cheikh, il dit ensuite, وَأَنْفَعُ عِلَاجٍ لَهُمْ هُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ. Donc, le cheikh, il dit la chose la plus bénéfique pour eux comme remède, ce serait de chercher la science. Mais sinon qu'un d'entre eux reste ignorant, qu'il n'ait rien de la langue arabe, et puis qu'il dit nous on est des hommes et les sahaba sont des hommes, en voulant dire ils n'ont rien de plus que nous, c'est des êtres humains, nous on est des êtres humains, alors le cheikh il dit oui, ce sont des hommes et vous êtes des hommes et les sahaba sont des hommes, mais la différence entre vous et les sahaba c'est comme la différence entre le ciel et la terre, hein, il n'y a pas de comparaison. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي حديث ابن عمر وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب إذا حدث كذب إذا عاهد غدر إذا خاصم فجر وإذا أؤتمن خان فهل نقول إن حصلت فيه هذه الخصال يعتبر منافقا خارجا من الدين فالنفاق ينقسم إلى قسمين نفاق أكبر وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر كما حصلت من عبد الله بن أبي وأمثاله ونفاق أصغر وهو النفاق العملي الذي قال فيه الحسن البصري ما آمنه إلا منافق ما آمنه إلا منافق نعم Le cheikh, il mentionne des preuves qu'il y a un nifaq qui est mineur et un nifaq qui est majeur. C'est-à-dire qu'il y a une hypocrisie qui est mineure et une hypocrisie qui est majeure. Le mineur ne fait pas sortir de l'islam. Le nifaq mineur ne fait pas sortir de l'islam. Comme le shirk mineur ne fait pas sortir de l'islam. Comme le kouf mineur ne fait pas sortir de l'islam. Le kouf qui fait sortir de l'islam... C'est le kouf majeur et le shirk majeur et le nifaq majeur. Hein? Donc ça c'est très important à comprendre. Le cheikh il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le signe d'un hypocrite est de trois. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il manque à sa promesse. Et lorsqu'on lui donne une charge ou un dépôt, il trahit sa parole, il trahit la confiance qu'on a mis en lui. Hein? Alors, ça c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim, si je me souviens bien, et c'est un hadith qui est muttafaq alayhi, c'est ça. Il est rapporté par Al-Bukhari Muslim, selon Abi Huraira. Donc, ce hadith, hein, il nous explique que ça c'est les caractéristiques d'un munafiq. Est-ce que ça veut dire quelqu'un, s'il a menti, il devient kafir, il sort de l'islam? Ou qu'il a manqué à sa promesse, il devient kafir, il sort de l'islam? C'est un munafiq, nifaq akbar qui quitte l'islam? Hein? Bien sûr que non. Sinon, on pourrait mettre beaucoup de gens en dehors de l'islam. Hein? Allah musta'an. Donc, c'est pas le cas. Et il mentionne l'autre hadith, une autre version de ce hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Amr ibn al-Asr. Il dit il y a quatre caractéristiques. Si elles sont en une personne, les quatre, il est un pur hypocrite. Munafiqan khalisan. Mais s'il en possède une d'entre elles, alors il aura une caractéristique du nifaq jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, lorsqu'il prend une entente ou un pacte, ou un serment, il trahit son serment. Lorsqu'il parle, lorsqu'il argumente avec quelqu'un ou il dispute, fajar, c'est-à-dire il rejette la vérité. Il est grossier, il est vulgaire, et puis il nie la vérité. Ou idha tumina khan. Si on lui fait confiance pour quelque chose, il trahit la confiance qu'on a mis en lui. Comme si on lui demande de garder quelque chose pour nous, et puis il ne le garde pas. Il l'utilise ou il le gaspille, ou bien il le perd, ou des choses comme ça. Fahal naqul, est-ce qu'on va dire, depuis que ces choses-là sont arrivées à quelqu'un, on va considérer que cette personne est un munafiq? Bien sûr que non. Hein, le nifaq, donc, il est divisé en deux catégories. Le nifaq majeur, et le nifaq majeur, c'est quoi? C'est que quelqu'un montre l'islam, il montre des applications et des pratiques de l'islam, et à l'intérieur de son cœur, il a le kufr, il cache sa mécréance. Comme c'était le cas de Abdullah ibn Ubay et des gens qui sont comme lui. C'est des gens qui ne croyaient pas en l'islam, détestaient l'islam, mais ils se disaient musulmans juste pour un intérêt. Toutefois, dans leur cœur, ils étaient contre l'islam. Et un nifaq asghar, un nifaq mineur, et c'est le nifaq dans les actions. Et c'est à propos de ce nifaq que Al-Hassan al-Basri a dit, c'est seulement un munafiq qui se sent en sécurité par rapport à ce genre de nifaq. C'est-à-dire le nifaq dans nos actions. Hein? Les vrais croyants, ils ont toujours peur du nifaq. Les vrais croyants, ils ont toujours peur d'être des munafiqin. Ceux qui sont en sécurité d'être de ça, ceux qui se pensent, qui disent « Non, moi je sais que je ne suis pas un munafiq, non, moi je suis garanti là-dessus. » Ça, c'est eux les munafiqs, c'est eux, ça c'est une caractéristique du munafiq. Mais ceux qui craignent d'être des munafiqin, parce qu'ils se connaissent, on se connaît soi-même, hein, même les sahaba, hein, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il craignait lui-même le nifaq pour lui-même. Bien entendu, c'est le nifaq mineur, le nifaq dans les actions. Hein. Les vrais croyants, donc, ils craignent pour eux-mêmes cette caractéristique-là. Et qu'Allah nous en préserve. Mais c'est très important de faire la distinction entre ces deux choses. Malheureusement, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'études, n'ont pas beaucoup étudié l'islam, et puis ils sont vite sur la gâchette, comme on dit, hein, pour déclarer des gens koufars et faire le takfir et des choses de ce genre. Et la science, c'est une lumière. La science, c'est comme une lumière. Plus tu apprends, plus tu comprends, et plus ton cœur s'illumine, et plus tes yeux s'illuminent, et plus tu comprends. Ensuite, le cheikh, il dit, فَهَؤُلَاءِ عِنْدَ أَنْ أَعْرَضُوا عَنِ الْعِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ وَطَعَنُوا فِي الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ ذاك عميل للحكومة وذاك لا يعرف شيئا وذاك جاهل وذاك لا يعرف شيئا عن الحديث فعند أن قالوا بهذا حرموا خيرا كثيرا ومن هو الذي يصطاده جماعة التكفير إنهم يصطادون المتحمس للدين على جهل وجماعة التكفير التي حدثت في هذه الأزمنة زعيمها مصطفى شكري مصطفى المصري الذي كان من الإخوان المفلسين ثم اشتد عليه البلاء في السجن وتصلب مع الجماعة والحكومات حريصة على تفرقة كلمة المسلمين وكانوا يسمون أنفسهم جماعة الهجرة وكان عند شكري مصطفى شيء من العلم فكان يتحدى الأزهريين للمناظرة والأزهريون يخافون لسببين السبب الأول أن كثيرا منهم بضاعته مجازات في علم الحديث وعلم الكتاب والسنة فهو إما قوي في النحو وإما قوي في أو في الفقه والسبب الثاني أنهم يخشون أن يغلبوه ثم يبيتون في الليل يبيتهم وهو وجماعته ثم يقتلهم فانتشرت هذه الفتنة ومبدأها في السجن في سجن جمال عبد الناصر ثم انتشرت إلى السودان وإلى أرض الحرمين خفية وإلى اليمن ظاهرة وقامت قيامة جماعة أنصار السنة بالسودان عند أن قلت إن فيهم أناسا من جماعة التكفير فيخشون أن يسمع بهذا الكلام فلا يساعدهم الناس. Donc le cheikh Mokbel il dit, ceux-là lorsqu'ils se sont détournés de la science, c'est-à-dire les gens de takfir, lorsqu'ils se sont détournés de la science, ils sont éloignés de la science, et qu'ils ont commencé à critiquer les ulama en disant un tel parmi les ulama, lui c'est un agent pour le gouvernement, lui il travaille pour le gouvernement, ou celui-là il connaît rien, ou celui-là c'est un jahil, celui-là il connaît rien du hadith, ou des choses de ce genre. Alors à partir de ce moment-là, ils se sont privés eux-mêmes d'un grand bien. Ils sont restés dans leur ignorance. Et c'est ça qu'on voit de la part de ces jeunes. Hein? Allah al-Musta'an. Ils se pensent plus savants que les savants. Ça c'est l'égarement total. Et le cheikh il dit, et qui sont les gens que la jama'a de takfir, ils cherchent qui? Ils essaient d'attraper qui? Hein? Quand ils partent à la chasse pour attraper des gens, pour attraper des recrues, ils cherchent qui? Ils visent qui? Ils ciblent qui? Cheikh il dit, ils ciblent les jeunes qui sont excités pour la religion, mais qui sont dans l'ignorance, qui n'ont pas de manhaj, qui n'ont pas de compréhension de l'islam. C'est eux qu'ils recherchent. Et le problème, souvent, c'est ça. Allah musta'an. Il y a plein de jeunes maintenant, je les vois, ils aiment la religion. Ils veulent être religieux. Hein, tu les sens, ils ont un attachement fort à l'islam. Ils veulent, depuis qu'ils apprennent par exemple que la barbe est obligatoire, ils disent, ah oui, j'aime la barbe. Ils apprennent que par exemple le hijab c'est obligatoire, le niqab c'est obligatoire, ah oui, hein, j'aime le hijab, je vais le porter, etc. Ils vont même mettre beaucoup de, hein, des choses de ce genre. Mais ils n'ont pas de compréhension générale ou globale de l'islam. Ils n'ont rien appris non plus du manhaj des salafs et de l'aqida. Donc ils sont confus et mélangés. Ils ne savent plus aller à gauche ou à droite, rien. Ils ne savent pas qui sont les ulama et qui sont les références à suivre. Ils vont prendre de n'importe quel alim, n'importe quelle personne qu'ils entendent parler à la télévision ou sur internet ou quelqu'un qui est connu, ils le prennent. Ils ne savent pas quelle est sa méthode, sa méthodologie, ils ne savent pas. Son manhaj, ils ne savent pas. Où est-ce qu'il a étudié, ils ne savent pas. Est-ce qu'il est soufi, ash'ari, takfiri, jihadi, ils ne savent pas. Hein? Et donc ils prennent n'importe qui, n'importe quoi. Puis, jusqu'à ce qu'ils se fassent attraper par le groupe de takfir. Et puis, le groupe de takfir commence à lui faire la da'wa. Et les groupes de takfir sont des djuhal. La plupart d'entre eux, c'est des ignorants totaux. Ils savent rien du tout. Hein? La plupart d'entre eux, c'est des voleurs, des criminels. Hein? Des gens qui traînent dans la rue. Allah al-Musta'an. Et même, il y en a parmi eux qui sont parfois même des gens qui ont une éducation. Hein? Ils ont une éducation, mais ils sont des djuhal dans l'islam. Le cheikh il dit, le groupe de takfir qui est apparu à notre époque aujourd'hui, le chef de ce groupe là c'est Shukri Mustafa al-Misri, Mustafa Shukri, c'est lui qui est, si tu veux, si on veut, c'est lui qui est à la tête de ce, c'est lui qui a commencé ce groupe contemporain de takfir. Lui-même il était un des membres des Ikhwan. Donc déjà ça nous explique la source et l'origine de cette bid'a, de ce groupe de takfir contemporain sur la voie des Khawarij. Mustafa Shukri, je pense si je ne me trompe pas, c'était un ingénieur, un électricien, En tout cas, Mustafa Shukri, il était avec les Ikhwan, il rentrait en prison, dans les prisons de Jamal Abdel Nasser, hein. Il s'est fait torturer, il a souffert en prison. Et puis, beaucoup de gens, justement, ils ont souffert en prison, étant donné qu'ils ont souffert en prison, ça les a amenés à la fin à, certains d'entre eux ont complètement perdu la tête. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça. Devenu très dur. Très, très dur. Et donc, quand il est sorti, il a commencé à son propre groupe qui s'appelle Jama'at al-Hijra. On les appelle al-Hijra wa al-Takfir. Hein? Et lui, qu'est-ce qu'il faisait, subhanallah? Il sortait des villes, il allait vivre à l'extérieur, et puis il disait à tous les musulmans, vous devez faire le hijra vers nous. Si vous ne sortez pas vers nous, vous êtes des koufars. Et il ordonnait même les femmes de quitter leur famille, puis de venir habiter avec eux. En tout cas, il faisait beaucoup de bêtises. Allah musta'an. Et vous allez voir que les gens de bid'ah, et les gens de bid'ah, puis même les laïcs et tous les soi-disant islamologues, il y en a même parmi les laïcs aussi. Vous allez voir, j'ai lu des livres écrits par des penseurs ou des soi-disant, je ne sais pas comment les décrire ou les qualifier, parce que je ne sais pas comment on peut appeler ces gens-là, c'est des journalistes ou quoi, en tout cas, des pseudo-journalistes. Ils essayaient de faire des liens entre Jama'at al-Hijra wa al-Takfir et avec la da'wa de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ils essayaient de faire des liens entre les deux. Alors que, bien entendu, on sait tous que les fondements de la da'wa du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sont des fondements salafis, et qu'il retourne aux principes et aux règles et aux fondements d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a dans le takfir, et non pas au principe et à la voie des Khawarij qui font le takfir par ignorance et sans suivre les règles et les principes du Coran et de la Sunna et des Salaf. Donc il n'y a aucune comparaison, aucun lien à faire entre les deux. Mais bon, les gens de Bid'ah, ils ont essayé d'accuser le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de ces choses-là, justement pour essayer de salir sa réputation puis de nuire à sa da'wa en mentant sur lui. Mais les livres qu'il a écrits, les lettres qu'il a envoyées sont là et sont témoins que ce dont ces gens-là l'accusent est totalement faux. Hein? Bon, pour revenir à Mustafa Choukri, c'est lui à la base qui était le chef de ce groupe de takfir, puis qui s'est développé par la suite. Hein, en tout cas, qui a amené par la suite un des membres de ce groupe-là, si je ne me trompe pas, c'est lui qui avait fait l'assassinat de Sadat. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Afghanistan. Mais c'est pour dire, un groupe d'extrémistes et d'égarés. Mustafa Choukri, le Cheikh Mourpel, il dit qu'il avait un petit peu d'ilm. Et il essayait de faire des débats avec des chouïrs de l'Azhar. Et les chouïrs de l'Azhar, ils avaient peur de débattre avec lui. Pour deux raisons. La première raison, parce que la plupart d'entre eux, ils sont forts dans la langue arabe, dans l'ilm al-hadith, et ils sont forts dans la langue arabe, puis dans le fiqh, mais dans la sunna et dans le hadith, ils ne connaissent pas beaucoup. Hein? Donc, ils avaient peur de débattre avec lui là-dessus. Et la deuxième raison pour laquelle ils avaient peur aussi, c'est parce que si jamais ils allaient débattre avec lui, et qu'ils allaient avoir le dessus sur lui, ils avaient peur que durant la nuit, lui ou son groupe allait venir pour les tuer. Hein, pour les assassiner, et que à cause de ça, donc par la suite, la fitna s'est propagée. Donc à cause de ça, la fitna s'est propagée et elle a commencé donc dans les prisons de Jamal al-Nasser, puis elle est devenue de plus en plus dure au Soudan et sur la terre des deux mosquées saintes. Hein, elle est rentrée en secret là-bas et elle est rentrée au Yémen ouvertement. Et il y a un groupe de Jamaat Ansar Sunna au Soudan qui ont adopté même certaines de leurs idées. Hein? Et Cheikh Mourbil, il dit, ils ont peur que les gens entendent que je dise d'eux que parmi eux il y a des gens de Jamaat al-Takfir, parce que ils ont peur que les gens vont cesser de les aider. وَقَدْ نَظَرْتُهُمْ فِي بَيْتِ فَيْصَلَ الرَّشِيدِ وَرَحِلْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ إلى جدة لأناظرهم وقد أتوني إلى بيتي وفرغت لهم المكتبة لعلهم يتمكتبون لعلهم يتعلمون. وكان فيهم أخ يقال له مصطفى فأقول له بقي شيء يا مصطفى؟ قال بقي. وقد سجن مصطفى ورأيناه في السجن فكانوا يريدون أن يشغلوا التلفزيون في السجن وكان في المدينة فيقدم عليهم فيقدم عليهم مصطفى بمفرده ويقول والله لا أقلعن عينك تجرعني المعصية تجرعني المعصية وأنا ها هنا فلم يستطيع وهو من الإخوة السودانيين. يعني سبحان الله الشيخ il dit j'ai fait des débats avec eux, j'ai argumenté avec certains d'entre eux dans la maison de Faisal al-Rashidi. Je suis parti de Médine jusqu'à Jadda pour débattre avec eux. Et ils m'ont amené, ils sont venus à ma maison. Je leur ai vidé toute ma maktaba pour leur apprendre. Et il y a un parmi eux, il s'appelle Mustapha. Alors je lui disais, est-ce qu'il reste encore quelque chose, Mustapha? Il dit oui, il reste quelque chose. Il dit, Mustapha, lui, c'est un frère, on l'a vu en prison. Quand il était en prison, les gens là-bas voulaient faire jouer la télévision. Et lui, il était à Médine. Il était tout seul. Il a dit, par Allah, je veux t'arracher les yeux. Si tu penses que tu vas me forcer à voir des péchés, alors que je suis ici. Il n'y a personne qui était capable de faire marcher la télévision quand il était là. Et c'était un frère parmi les Soudanais. Donc il donne des exemples. Il dit ثم يتألم جماعة أنصار السنة لماذا لماذا لماذا قلت إنها انفصلت من جماعة التكفير ولا يهمني تألمهم فقد أصبحت دعوتهم دعوة شحاذة يشحذون من الناس ثم يبنون المساجد للصوفية. Ça leur fait mal que je dise que les Ansar c'est une branche des ou bien se sont séparés des Jama'at Takfir. Ça leur fait mal que je dise ça. Moi ça me dérange pas que ça leur fasse mal parce que c'est ça maintenant leur da'wah. Et en plus, ils construisent les mosquées pour les soufis. فجماعات التكفير انتشرت حتى وصلت إلينا في اليمن. Il dit, le groupe de Jama'at Takfir s'est propagé jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à chez nous, au Yémen. فذهبنا لنناظرهم في الذياكي. فقالوا نحن لا نصلي بعدكم لأننا نعتقدكم كفارا. فقلنا أما نحن فنصلي بعدكم لأننا نعتقد أنكم مبتدعة وتجوز الصلاة خلف المبتدع فصلوا بنا ثم صاروا يناقشون في ذلك المجلس وفي غيره فمن قائل يقول الله سبحانه وتعالى يقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم قالوا أنا أسألك هؤلاء الذين تزعمون أنهم يخرجون من النار أهم من الذين ثقلت موازينهم أم من الذين خفت موازينهم والأمر سهل فإن الأحاديث متكاثرة في خروج الموحدين من النار ومن حديث أنس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجمع من الصحابة بقي هل ثقلت موازينهم ثقلا لا يؤهلهم لدخول الجنة من أول مرة أم خفت موازينه أم خفت لا تؤهل أو خفة أو أم خفت خفة لا تؤهلهم لدخول الجنة لأول مرة فالأحاديث متكاثرة في خروج الموحدين من النار. Le Cheikh, il dit, et le Jama'at al-Takfir s'est répandu jusqu'à ce qu'elle arrive chez nous au Yémen. Et on est allé, pour débattre avec eux dans un endroit qui s'appelle Al-Zayaki. Hein? Ils nous ont dit, nous on ne prie pas derrière vous parce que nous on croit que vous êtes des koufars. Alors Cheikh Mukbel, il a dit, hein, on leur a dit, nous on peut prier derrière vous parce que nous on croit que c'est permis de prier derrière les Mubtadi'a. Et on croit que vous êtes des Mubtadi'a. Hein? Donc ils ont laissé diriger la prière, puis ils ont prié derrière eux. Et puis après, ils ont débattu avec eux. Et dans cette assemblée-là, quand ils ont commencé à discuter avec eux, il y en a un d'entre eux qui a mentionné le verset 102, 103 dans Surat al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Et celui dont la balance sera lourde, alors ceux-là seront ceux qui auront le succès. Et ceux dont la balance sera légère, alors ceux-là seront ceux qui se sont perdus eux-mêmes. » Ils ont demandé, on vous demande à propos de ceux-là, hein, ceux que vous prétendez qu'ils vont sortir de l'enfer, est-ce que ce sont ceux dont les balances seront lourdes ou ceux dont les balances seront légères? Et Cheikh Moukbel dit, la chose est facile en fait, c'est simple, hein, parce que les hadiths sont nombreux au sujet du fait que les gens qui sont sur le tawhid, ils vont sortir de l'enfer, hein, des hadiths selon Anas, Abi Sa'id al-Khudri, selon Abi Huraira, et un groupe parmi les sahaba. Maintenant, la seule chose qui reste à savoir, c'est, ou bien plutôt, la seule chose une fois qu'on a compris les hadiths qui mentionnent que les croyants, ceux qui sont sur le tawhid, ils vont sortir de l'enfer, la seule chose qui nous reste à comprendre par rapport à ce verset-là, c'est que ceux dont les balances seront lourdes, est-ce que c'est, qu'elles seront lourdes au point où ces gens-là seront aptes ou seront permis de rentrer au paradis du premier coup sans entrer à l'enfer en premier? Ou bien est-ce que ceux dont la balance était légère au point de ne pas leur permettre justement de rentrer directement du premier coup au paradis, c'est-à-dire qu'ils auront à rentrer en enfer avant, puis par la suite sortir pour aller au paradis? Donc peu importe que si ce sont des gens sur le tawhid, si leur balance est lourde ou légère, hein, si elle est lourde, est-ce qu'elle est assez lourde pour les faire rentrer direct au paradis? Ça c'est ce qu'on va voir au jour de la résurrection. Et si leur balance est légère, est-ce qu'elle est légère au point où malgré tout ils peuvent quand même entrer au paradis du premier coup? En tout cas, les hadiths au sujet de faire sortir que les gens qui sont sur le tawhid vont sortir de l'enfer, ces hadiths là ils sont nombreux, donc il n'y a pas de complications ou de difficultés à comprendre ça, alhamdoulillah. Mais il y a des gens parmi les Khawarij, justement, ces gens-là, ils ne prennent pas les hadiths de la Shafa'a parce qu'ils les rejettent, ils ne croient pas. Ils ne prennent pas ces hadiths-là. Et c'est pour ça qu'ils tombent dans l'extrémisme, dans l'exagération à ce sujet-là. Après, le Cheikh, il dit وَلَسْنَا نُجَادِلْ عَنْ أَصْحَابِ الْبَاطِلِ فَالَّذِي هُوَ كَافِرْ يُكَفِّرُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ من استحل ما حرم الله ولم يكن جاهلا ولا مكرها ولا متأولا فإنه يكفر فإن الله جل وعلا يقول في كتابه ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. Donc le Cheikh Mukbel il dit, nous on ne veut pas argumenter, on ne veut pas débattre dans le but de défendre les gens du mensonge, les gens de la fausseté, hein? On ne veut pas essayer de défendre ces gens-là. Ce n'est pas ça le but. Hein? Celui qui est kafir, c'est celui que Allah et son messager ont déclaré comme étant kafir. C'est par exemple celui qui rend halal ce que Allah a rendu haram. et qui n'est pas ignorant, qui n'est pas contraint, qui n'est pas ignorant, qui n'est pas contraint, qui n'a pas fait une erreur dans sa compréhension, hein, alors celui-là, il rend halal ce qui est haram, alors il est kafir. Tant qu'il rend halal ce qui est haram, et il n'est pas ignorant, il n'est pas contraint, il n'a pas fait une erreur dans sa compréhension. Alors celui-là, il est kafir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 107 dans Surat An-Nisa, et ne dispute pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Donc, on n'essaie pas, nous, de débattre pour eux ou de les disputer en leur faveur. Le Cheikh il dit, فَنَحْنُ لَا نُجَادِلُ عَنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ وَلَكِنَ الْعِبَارَةَ الَّتِي اتَّخَذُوهَا وَسِيلَةً لِتَكْفِيرِ الْمُسْلِمِينَ عِبَارَةٌ مَرْفُوضَةٌ وهي من لم يكفر الكافر فهو كافر فتختصمهم أنت وهو في حاكم وأنت تنكر عليه والحكام شأنهم شأن أفراد المجتمع فمن بلغ حد الكفر فلا نجادل عنه ومن لم يبلغ حد الكفر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجع عليه. Le cheikh il dit, nous on ne veut pas débattre, hein, disputer pour les gens du mensonge, mais l'expression qu'ils ont pris ou l'argument qu'ils ont pris comme moyen pour faire le takfir des musulmans, c'est une expression qui est rejetée, hein. C'est comme quand ils disent, celui qui ne dit pas du kafir qu'il est kafir, alors il est lui-même kafir. C'est ça leur shubha. Et si tu dis pas que le kafir, toi tu dis pas que le kafir est un kafir, alors tu es un kafir. Ça c'est une règle à la base qui est bonne, qui est vraie. Mais il faut savoir dans quel contexte elle s'applique et comment elle s'applique. Comment les ulama l'ont compris, qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas, hein, le cheikh il disait pas tu débats à propos de toi tu débats avec un d'entre eux à propos d'un dirigeant. Et tu le refutes sur ce qu'il dit. Il dit, les hukam, leur cas c'est le même que la situation de tous les individus de la société. Quand on parle du dirigeant, c'est comme si on parlait du boulanger ou du pâtissier ou du directeur de l'école ou de n'importe qui, d'un juge ou d'un ministre, la même chose. Il n'y a pas de différence entre eux. Même, c'est comme si tu peux parler d'un imam d'une mosquée ou de n'importe qui. C'est un individu parmi tous les individus. Donc, yani, c'est pas le cheikh il dit, celui donc qui a atteint le degré du kufr, on va pas disputer en sa faveur, mais celui qui n'a pas atteint le degré de kufr, ben dans ce cas-là, on va pas le déclarer kafir, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit à son frère, oh toi le kafir, alors, soit que c'est comme il l'a dit, ou bien sinon ça revient sur lui. Et le cheikh dit, فَهَذِهِ الْقَاعِدَ أَلَّتِي اتَّخَذُوهَا ذَرِيعَةً لِتَكْفِيرِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يُكَفِّرَ الْكَافِرَ فَهُوَ كَافِرَ فَأَيُّهَا الْجُهَلَاء وَالْحَمْقَاء فَيَا أَيُّهَا الْجُهَلَاء وَالْحَمْقَاء بَلْ أَيُّهَا الْآلَاتْ لِضَرْبِ الْإِسْلَامِ ينبغي أن تعلموا أن من لم يكفر الكافر الذي هو متفق على كفره مثل اليهود والنصراني الذين قد كفرهم الله في كتابه ومسألة أما مسألة هل قاطع الصلاة كافر أم لا فهذه لا يقال فيها من لم يكفر الكافر فهو كافر وإن كنا نرى أن قاطع الصلاة يعتبر كافرا وإن تركها تكاسلا أو تهاونا لحديث ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة. Le cheikh il dit, en ce qui concerne cette règle qu'ils ont utilisée comme un moyen pour déclarer tous les musulmans kuffars ou les dirigeants kuffars, hein, ou les musulmans en général par la suite, hein, il dit celui qui ne dit pas du kafir qu'il est kafir, alors c'est lui-même un kafir. Il dit vous les ignorants et les imbéciles, hein, vous les instruments pour frapper l'islam de l'intérieur, il faut que vous appreniez une chose, que celui qui ne déclare pas kafir, un kafir sur lequel on est d'accord au sujet de son kufr, comme par exemple le juif ou le chrétien, alors celui qui ne les déclare pas kuffar, alors ceux-là sont des kuffars. Mais celui dont il y a, hein, parce que les juifs et les chrétiens, Allah les a déclarés kuffars dans son livre. Si quelqu'un remet en question ou doute de sa mécréance, alors dans ce cas-là, il est kafir. Mais en dehors de cela, si c'est quelque chose, une personne ou un sujet qui hein, au sujet de laquelle il y a pas un accord sur son takfir, alors dans ce cas-là, tu peux pas dire que celui qui l'a pas déclaré kafir est un kafir lui aussi. Hein? Et donc c'est pour ça que le cheikh il dit, si c'est une question comme par exemple, est-ce que celui qui fait pas la prière, il cesse de faire la prière, est-ce qu'il est kafir ou non? On ne dit pas à ce sujet-là que celui qui ne déclare pas kafir celui-là, il est lui-même kafir. Parce que c'est une question, déjà, il n'y a pas d'accord entre les ulama d'Ahl Sunna sur cette question-là. Hein? C'est pas tous les ulama d'Ahl Sunna qui sont d'accord sur cette question. Donc on ne peut pas dire à propos de quelqu'un qui diverge sur cette question-là qu'il est kafir lui aussi. Hein? Comme par exemple, Cheikh Al-Albani, il ne va pas faire le takfir du musulman qui laisse la prière. Est-ce que tu vas dire que Cheikh Al-Albani est un kafir parce que il n'a pas déclaré celui qui a abandonné la prière kafir? Bien sûr que non. Et donc ça c'est un exemple. Il y a des imams parmi les imams des salafs comme l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa et d'autres parmi les salafs qui disaient que celui qui abandonne la prière par paresse, hein, et qui reconnaît son obligation, il ne sort pas de l'islam. Et c'est le jumhur des ulama. Donc tu peux pas dire celui-là. Ça c'est un exemple, mais il y en a d'autres exemples aussi. Hein? Donc si des gens sont pas d'accord, s'il n'y a pas un accord déjà sur une chose au sujet de son kufr, hein, alors tu peux pas déclarer utiliser cette chose-là pour l'utiliser comme un argument pour dire que tout le monde qui sont pas d'accord sur son kufr est un kafir. Hein? Donc ça c'est un exemple. Il y en a comme ça. Ils t'amènent un dossier sur un individu. Ils t'amènent, ils te disent, hein, un dirigeant ou quelqu'un en particulier. Ils disent, regarde qu'est-ce qu'il dit. Hein? Et puis après, il dit, bon, celui-là, il faut que tu dises qu'il est kafir. Si tu dis pas qu'il est kafir, toi-même t'es kafir. Hein? C'est comme ça qu'ils pensent que ça marche. Non, c'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et les ulama ils font pas ça. Wallahi, les ulama ils font pas de cette façon-là. Déjà, premièrement, il faut savoir est-ce que c'est la chose dont au sujet de laquelle tu l'accuses, est-ce que cette chose-là elle est kufr et quelles sont les preuves. Ensuite, une fois qu'on est d'accord sur la chose elle-même, que l'acte ou la parole elle est elle-même kufr ou shirk majeur, maintenant c'est de voir est-ce qu'elle s'applique à l'individu. Est-ce que la preuve a été établie? Est-ce que les conditions du takfir sont présentes? Est-ce que les empêchements de l'application du verdict de takfir sont éliminés? Hein? Et si elles ne sont pas, si c'est pas le cas, on peut pas faire le takfir de cet individu-là. Hein? Donc, le cheikh Mourbel dit, malgré que nous on est d'accord pour dire que, c'est l'opinion de Cheikh Mokbil, que celui qui ne fait pas la salat, même s'il l'a abandonné par paresse ou par négligence, il dit, lui, sa position, c'est qu'il est kafir. Et il se base sur le hadith qui dit, il n'y a pas, entre un homme, entre le kufr et le shirk, il n'y a que la salat. Donc, pour lui, ça, c'est la preuve que celui-là, il est kafir, qui abandonne la salat. Malgré tout, il ne va pas utiliser ça comme un argument pour dire que celui qui dit pas que celui-là est kafir, il est kafir, il va pas dire ça. والذي يصطادونه هو الشخص المتحمس للدين على جهل وانا اتحداهم مصريهم مصريهم وسودانيهم ويمنيهم وكويتيهم وجزائريهم ان ياتوا بعالم منهم وهم يقولون إنهم حريصون على أن يكون بينهم عالم عياذا بالله من أن يوافقهم على دعوتكم أن يوافقكم على دعوتكم ويكون كلبا من كلاب النار يوم القيامة ويمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Donc nous on va lire ce passage là puis on va s'arrêter. Le cheikh il dit, et eux donc qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent, hein, ils ciblent l'individu qui est excité pour la religion, qui a un hamas, yani mutahammis, hein, il a du zèle pour la religion mais qui est ignorant. Il dit, moi je les mets au défi, qu'ils soient égyptiens, soudanais, yéménites, koweïtiens, algériens, peu importe, qu'ils ramènent un seul savant parmi eux, et eux ils prétendent que ils souhaitent qu'il y ait parmi eux des savants qui sont d'accord avec eux. Il dit qu'Allah nous préserve. Il dit, ayazin billah, il dit que jamais, hein, tu vas trouver quelqu'un parmi les ulama qui va être d'accord avec eux dans leur da'wa pour devenir un chien parmi les chiens de l'enfer au jour de la résurrection, qui quitte la religion comme la flèche, hein, plus vite que la flèche qui traverse sa proie. Hein? Donc ça c'est les paroles de Cheikh Moukbil justement à ce sujet-là. Aujourd'hui, on a réfuté donc les plus importantes parmi leurs choubouhat, et on a expliqué des principes importants parmi les principes de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Faites attention, faites attention, faites attention aux gens de takfir. Éloignez-vous des gens de takfir. Écoutez pas les gens de takfir. Et faites attention à ceux parmi eux qui prennent une parole d'un alim pour essayer d'établir son égarement et qui laissent tomber toutes les autres paroles qui sont claires à ce sujet-là. Hein, ils aiment ça faire ça. Ils prennent une parole de Cheikh Ibn Uthaymeen ou d'un autre parmi les ulama, ils la mettent sur YouTube avec des traductions en français, puis ils disent, regardez, la preuve que le takfir est bon, puis qu'il faut suivre les khawarij. Hein. Ils se basent sur une citation, ils vont laisser tous les autres livres de Aqidah que les imams ont fait, et ils les ont jamais étudiés, ils ont jamais lu, hein, ils connaissent même pas ces livres-là, peut-être, et puis après, par la suite, ils viennent commencer à appeler à l'égarement en traduisant une citation. Yani, subhanallah, si c'est comme ça qu'on commence à... Yani, subhanallah, il y a une chose qu'on doit comprendre aussi. C'est qu'il n'y a aucun savant qui est au-dessus de la vérité. Tous les ulama sont en dessous des principes de Ahl Sunnah wal Jama'a. Les principes des salafs sont au-dessus de nous tous. Ils nous dépassent tous. Et on doit tous s'y référer, peu importe qui on est. Peu importe notre niveau de connaissance ou de science. Il n'y a personne qui peut être au-dessus de ces principes-là. Peu importe qui on est. Donc, il n'y a pas un savant qui a le droit de contredire les principes et les fondements de Ahl-Sunnah wal-Jama'a et du manhaj des salafs. Donc, connaissez le manhaj des salafs, étudiez le manhaj des salafs, apprenez-le des ulama salafiyin, et vous allez par la suite être capable de comprendre et de juger et de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Automatiquement, par la suite, vous entendez quelqu'un dire quelque chose, dire, ah, lui, il contredit les fondements d'Ahl-Sunnah. Lui, il a contredit un principe parmi les principes d'Ahl-Sunnah. Vous allez le savoir tout de suite. Et c'est possible que un savant, par exemple, dise quelque chose et qu'il se trompe. Donc, ces gens-là, ils vont prendre cette parole, ils vont essayer de l'utiliser comme un argument. Hein? Ou bien, parfois, ils vont prendre une partie de la parole, puis ils ne vont pas citer le reste. Pour faire croire aux gens que ce qu'ils disent est vrai. Ils ne vont pas prendre la suite. Ou ils clarifient d'autres détails qui réfutent justement ce qu'ils disent. Donc ça, c'est des choubouhats qu'ils utilisent comme ça. Donc nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On a quand même lu beaucoup aujourd'hui, hein, Mach'Allah. Ah oui, on a lu 10 pages, Mach'Allah. Donc on va s'arrêter aujourd'hui on va s'arrêter ici aujourd'hui. Puis on continue, bi'ithnillah, la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.